Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Des jeunes gens chevelus, débraillés, vociférants occupent le théâtre de la Comédie-Française. Voici donc le champ de bataille où la victoire nous attend. Dès le début de l'après-midi, une claque est organisée par l'auteur qui veut en découdre avec les vieillards chenus, disent-ils, qui défendent le théâtre classique ou plutôt ses règles. La bataille d'Hernani a commencé. Mémorable soirée. Avant cette première représentation, jurons que tous les soirs, s'il le faut, nous viendrons ici livrer bataille. Bataille pour la liberté de l'art. Yaro ! Nous sommes le 25 février 1830. Dans l'armée romantique, écrit Théophile Gautier dans ses mémoires, tout le monde était jeune. Le plus vieux de la bande était le général en chef, âgé de 28 ans. L'âge de Bonaparte et de Victor Hugo. Dans la préface qu'il écrit pour sa pièce Cromwell, quelques années plus tôt, Victor Hugo aspire à une révolution de l'art dramatique. Il trouve absurde ces antichambres, péristyles ou vestibules où se déroule l'action en un jour, en un lieu. Il critique les versifications classiques, ces mots si éloignés de la vie réelle qui donnent lieu à de grandes empoignades. Les vieilles barbes ne lui pardonnent pas l'emploi du terme « mouchoir », par exemple, trop trivial au goût de certains. Le 25 février 1830, les sifflets, les cris, les invectives ont donc une signification plus large. Comme en mai 1968 plus tard, celle d'un conflit de génération dont Victor Hugo est le représentant incontesté. La bataille est physique. Elle dure plusieurs semaines, plusieurs mois, suscitant même la résistance des comédiens, telle la fameuse Mademoiselle Mars dans le rôle de Donatiol qui refusa de dire le vers si fameux « Vous êtes mon lion superbe et généreux » qu'elle remplace le soir de la première par « Vous êtes mon seigneur superbe et généreux ». La bataille théorique fait rage depuis plusieurs décennies. Déjà, Marivaux et Beaumarchais introduisent les sentiments, l'ironie, et Diderot, dans son discours sur la poésie dramatique, avait soutenu que le drame devait offrir au public des sujets de réflexion contemporains et ne plus se laisser enfermer dans l'Antiquité. Madame de Staël oppose dans son ouvrage de l'Allemagne le théâtre français où règne la tragédie classique, qui ne s'intéresse pas au peuple et qui accentue la division sociale entre l'aristocratie et le tiers-état, et la tragédie historique allemande, qui s'intéresse aux sujets nationaux propres à enthousiasmer le public. L'affaire, comme souvent dans le domaine culturel, n'est pas qu'esthétique. Elle est politique, car la Révolution est passée par là. Et Madame de Staël, comme Stendhal, dans son célèbre texte « Racine et Shakespeare », ne comprennent pas que les changements advenus entre 1770 et 1820 n'aient pas eu de répercussions sur la littérature. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Stendhal veut supprimer l'alexandrin qu'il trouve trop contraignant. Hugo le défend, mais veut le moderniser, prenant des libertés avec une versification trop figée. Le monde du théâtre s'agite, et avec lui, celui des intellectuels et le public. Ils sont pour le moment plusieurs centaines de manifestants sur la place de l'Odéon, tous des anciens militaires, des anciens combattants de la guerre d'Algérie et aussi de la guerre d'Indochine. Par contre, de l'autre côté, c'est-à-dire sous les colonnes du théâtre de l'Odéon, entourant Jean Genet, un fort groupe de contre-manifestants, de jeunes, qui, de leur côté, scandent des slogans. On se bat. On se bat toujours au théâtre. Rappelez-vous, en 1966, le scandale des paravents de Genet à l'Odéon, au cours duquel les parachutistes sont intervenus pour empêcher la diffusion de la pièce. Là, en 1830, à la Comédie-Française, la troupe aussi intervient. Et un jeune homme, défenseur d'Hernani, est tué au cours d'un duel. Théophile Gautier arbore un gilet rouge qui le rendra célèbre. Alexandre Dumas, une chevelure abondante. Ils sont jeunes, vaillants. Nous sommes au début de l'année 1830, sous le règne de Charles X, le dernier des Bourbons, dans une France qui en a assez du conservatisme. Quelques mois plus tard, aura lieu la révolution de 1830, en juillet, pour contrer les ordonnances de Saint-Cloud restreignant la liberté de la presse. Les Bourbons tombent, laissant la place à Louis-Philippe, représentant des Orléans, roi des Français. « Je m'en vais, monsieur, et vous venez », écrit clairement Chateaubriand à Victor Hugo après avoir vu la pièce. « Je me recommande au souvenir de votre muse, une jeune gloire doit prier pour les morts. »